secret, t'es le plus précieux bébé. Plus qu'une chope de soirée, un vrai mec qui me fait vibrer. J'ai brisé ton cœur, pardonne-moi mes erreurs. Oh baby, regarde-moi, mes yeux disent ne part pas. Décide-toi. Allez.